Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Sono le 22:30. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition spéciale de dimanche 9 avril. Alors, ce soir, en l'absence de Simon Roy, qui prend sans doute une pause bien méritée suite au Radioton de la semaine dernière, qui a été vraiment un franc succès. Alors, on prend le créneau ce soir de la web musique et d'entrée de jeu, pour vous, nouveaux éditeurs, ce que je vous propose, c'est le programme de la Croche-Oreille. La Croche-Oreille, c'est l'art sonore sous toutes ses formes. Parfois, ça ressemble à de la musique, parfois ça ressemble à des sons familiers, que ce soit des sons de la ville, des sons de la nature, parfois c'est du bruit, tout simplement. D'autres fois, c'est du silence avec des cris, des mots bizarres, des chuchotements, des ronronnements, des machines, des synthés. Bref, vous avez compris, la Croche-Oreille, c'est de la sono atypique, mais fort sympathique. Alors, ce soir, je vous propose 2 heures bien garnies de sonorités électroniques, des œuvres sonores rendues possibles selon les époques par la combinaison du courant électrique, du transistor, du potentiomètre et de toute la panoplie des circuits intégrés du monde numérique. Et évidemment, on n'oublie pas le monde analogique qui est toujours aussi pimpant, aussi vivant. Donc, une première heure sera consacrée à des œuvres électroniques à coloration mélodique, on pourrait même dire musicale. Et on débute, tout ça avec Diane Labrosse, qui est une compositrice d'importance dans le paysage de la musique actuelle du Québec. On la retrouve avec un titre tiré de l'album Musique pour objets en voie de disparition. Alors, vous le savez, avec les nouvelles technologies, il y a beaucoup d'objets qui disparaissent comme ça. Bientôt, probablement que le moteur à explosion et ses sonorités sera quelque chose du passé. Alors, on écoute l'imprimante de Diane Labrosse. Thank you. Voilà, on vient d'entendre Diane Labrosse, l'imprimante tirée d'un album qui s'intitule « Musique pour objets en voie de disparition ». Alors, on enchaîne avec deux titres. Un premier intitulé « Cycle » du compositeur sonore Thierry Gauthier. C'est un gars originaire du Saguenay dont le travail de création sonore est vraiment magnifique. Allez voir ça sur SoundCloud en écoute libre. Et j'enchaîne avec une pièce de Barry Truax, qui est un créateur sonore réputé. C'est un Canadien prolifique qui travaille depuis très longtemps sur la matière sonore, et il a notamment travaillé auprès de Murray Schafer, un grand compositeur de musique, d'art audio, de musique électronique, de musique actuelle, très connu, qui s'est fait connaître notamment au début des années 70 autour d'un concept tout nouveau à l'époque qu'on appelait le paysage sonore. Alors, on écoute Gauthier et Truax. Thank you. Thank you. Alors voilà, on vient d'entendre Thierry Gautier en première pièce et Barry Truax en seconde. Vous pourrez retrouver toute la liste des pièces entendues ce soir au cours des deux prochaines heures sur le site lacrochereille.wordpress.com à compter de demain. Donc, on poursuit la quête électro-sonore avec cette fois Christian Zanessi. Un compositeur français associé au monde de la musique acousmatique, musique concrète, qui a travaillé avec des gars comme Pierre Schaeffer, François Bayle, des bricoleurs de son, des couleurs qui collent des pièces de sonorité. Alors, on enchaîne avec Radio Nix Radio. C'est un projet sonore mené par un artiste qui s'appelle Daniel Wilson. C'est un gars originaire du Royaume-Uni. Il est inspiré par cette idée du Radio Nix qui serait ces forces occultes qu'auraient les ondes sonores sur le cerveau. Alors, on y va avec cette pièce de Radio Nix Radio. trouve ta voix. Quand le rouge s'allume, j'ai réalisé que sans la radio, et qu'on s'apprête à se mettre en jeu, je n'existerai pas. CKRL. .qc.ca. L'accroche-oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors nous voilà de retour avec la croche-oreille spéciale de 2 heures ce soir en l'absence de Simon qui prend le temps de fêter son anniversaire. Alors Simon, je te dédie cette prochaine demi-heure, une demi-heure toute en sonorité électronique et post-électronique, on va dire ça comme ça. Et ça démarre avec une pièce intitulée « Trop » de Laurent Perrier. C'est un créateur français, un concepteur de musique concrète. Et j'enchaînerai avec David Toop, un compositeur britannique réputé. C'est un collaborateur de Brian Eno, entre autres, une pièce qui s'intitule Darkness Moves. Alors, on vient d'entendre une pièce, une première de Laurent Perrier, une seconde de David Toup. Alors, je vous propose d'écouter maintenant Catherine Grain-d'Orge. C'est une chanteuse violoniste belge. C'est un travail sonore assez remarquable, très mélodique, vous allez le constater. On mixe cette fois l'art audio, les sons électroniques et la musique. Un penchant musique sur ce tube qui va être intitulé qui est intitulé, pardon, Brother Sister, tiré d'un album intitulé Long Distance Operator qu'elle a conçu avec Hugo Race. Et en complément, je vous ferai entendre Hamburger Lady du célèbre collectif Trubbing Gristle. C'est des pionniers de la beat music industrielle et puis musique brutiste également des années 70, pour être plus précis, des années l'année 78 pour ce qui est de cette pièce. Alors, on écoute Grain d'orge et Trubbing Gristle. Thank you. Alors voilà, Trubbing Gristle, The Hamburger Lady, une combinaison imparable avec la pièce de Catherine Grain-d'Orge. Alors, on termine cette première heure avec une pièce intitulée Anything, Anyone, Thing de l'artiste Alain Lefebvre. Alors, il s'agit pas du pianiste, je vous jure, à écouter les sonorités noise expérimentales qu'il nous propose. Donc, une composition sonore qui mêle les sonorités abstraites, les sonorités concrètes avec des objets amplifiés, des appareils lo-fi dont il exploite toutes les possibilités. Alors, c'est une musique de court-circuit, on va dire ça comme ça. C'est des buzz, c'est des basses, c'est des fréquences imparables qu'on écoute avec beaucoup de plaisir. Alors, c'est un extrait et je vous reviens pour la prochaine heure. Thank you. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, je dis rebonsoir tout le monde. Bienvenue à la Croche-Oreille, édition spéciale du dimanche 9 avril 2017, qui en est à sa deuxième heure en cours pour une émission spéciale consacrée à l'univers de sonorités électroniques, des œuvres sonores rendues possibles selon les époques par la combinaison de la matière électrique et de toute la panoplie des circuits, les circuits imprimés, intégrés, voire même désintégrés par certains artistes qui savent faire avec le monde des technologies. Alors, on vient d'entendre entendre en ouverture les sonorités rythmiques de Michel F. Côté et d'Aimé Dontigny, une pièce intitulée Unlisted Card Number sur un album du titre La Note Fa. Alors, on va maintenant explorer au cours de la prochaine heure des œuvres électroniques davantage primitives, épurées, mais tout de même complexes, des sonorités de basse qui sont à la source de nombreuses explorations artistiques en art audio, en art sonore. Et on débute tout ça avec Pierre-André Arcan, un artiste sonore d'importance dans le paysage artistique du Québec. C'est un artiste qui est à l'origine du Centre Avatar, qui a une carrière d'artiste audio fabuleuse. Alors, on le retrouve avec trois courtes pièces tirées d'une compilation de la revue Inter, intitulée « Espace sonore », c'est paru en 2008. Et on enchaîne ensuite avec Jean-Claude Risset. C'est un pionnier de la composition synthétique et informatique. C'est un Français avec une pièce intitulée « Mutation ». Thank you. Thank you. quel souffle sonore, ce drone ascendant, descendant, comme si les sonorités étaient pratiquement infinies. Donc, une œuvre intitulée Mutation, on vient d'entendre Mutation de Jean-Claude Risset. On enchaîne avec trois pièces originales, trois pièces de trois artistes québécois. Une première intitulée Photomaton de l'artiste sonore Myriam Blot. Une seconde pièce qui est de Carole Dallaire et qui s'intitule Notes sur un carambolage. Et enfin, Galerie Stratique avec une trame intitulée Ville engloutie. En somme, trois démarches de création sonore particulièrement prometteuses et très évocatrices des titres qui ont été choisis par les artistes. voilà, la ville est engloutie. C'est fait avec galeries stratiques aux sonorités de térémine et de marimba. On a entendu en première partie de cette section musicale Myriam Blow avec un titre qui s'appelle Photomaton, et ainsi que Carole Dallaire note sur un carambolage. Alors, c'est maintenant la pause de la demi. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site lacrochereille.wordpress.com pour retrouver tout le détail des pièces que vous avez entendues ce soir. Et comme pause, je vous propose d'écouter très brièvement Radio Music, une pièce de John Cage enregistrée en 1956. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Sono le 22:30. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. On est de retour avec la croche-oreille qui se poursuit sous le signe des sonorités électroniques avec cette fois ce que je vous propose, c'est une pièce de l'artiste anglais Robin Rimbaud qui est très connu sous le pseudo de Scanner. C'est une pièce tirée d'un album vraiment magistral intitulé Varol Surface. C'est un hommage sonore au roi de la pop art. Et pour suivre Rimbaud, Scanner, on va enchaîner avec Christian Zanesi, un compositeur français associé au monde de la musique concrète européenne, et le Canadien Barry Truax, un vieux routier de l'expérimentation sonore. Zanesi et Truax qu'on a pu entendre en première partie d'émission. Alors, on écoute en premier Scanner, en suivi de Zanesi et de Truax. Just Alors, je vous fais entendre, pour terminer, deux pièces sonores, deux tubes. Un premier de Rogelio Sosa, qui est un jeune artiste mexicain qui est vraiment prolifique. Si vous allez sur son site, vous faites Rogelio Sosa musique ou Rogelio Sosa art sonore et vous retrouverez beaucoup de matériel. C'est un artiste assez intéressant et en enchaînement, une finale plus mélodique avec Stephen Vitiello, qui est un plasticien sonore new-yorkais qui transforme les bruits atmosphériques en paysages sonores. On écoute donc Residual de Rogelio Sosa et Single Coil Boucle Rhythm de Stephen Vitiello. Et alors, on y va. Thank you. Alors voilà ce qui met un terme à la croche-oreille pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est la soirée pascale, c'est la soirée de Pâques. Je vous donne rendez-vous avec une émission sur les nouvelles sonorités, les nouvelles musiques chinoises. Alors, une incursion dans cet univers asiatique. Alors, d'ici là, soyez attentifs au son autour de vous. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.